Certains pensent que ça ne sert à rien de faire des choses éphémères, de passer du temps sur une passion comme d'écrire des chansons. Inutile, diront les uns, insensé, crieront les autres. Moi je me dis qu'après tout, serait-il contre nous ? Je cherche alors de nouveaux thèmes, dire autre chose que des je t'aime. Les mots d'amour me font de la peine, car ils chantent tous la même rengaine. On ne signera pas dans l'universal, car ce qu'on fait c'est non commercial. Pas assez rock, trop électro, ça passera pas sur les radios. Je cours où que j'aille, en cherchant toujours la liberté. Je suis ma bataille, mon combat ne cessera jamais. Tous ces gens qui n'y connaissent rien, qui nous critiquent sans être musiciens, même pas foutu de faire une démo en alignant deux ou trois mots. Mais après tout, nous on s'en fout, on fait ce qu'on aime et nous on joue. Les passionnés sont réputés d'être barrés complètement fous. Je cours où que j'aille en cherchant